Oui, donc il y a à la fois le programme de la journée, puis le descriptif du séminaire, à la fois les séances passées et les séances à venir, avec notamment les dates. Alors, les dates sont pas complètes. Enfin, si, les dates, justement, si vous voulez retenir les dates, vous pouvez le faire. Après, donc, on a un titre séance. On parlera peut-être d'ailleurs en fin de journée de la prochaine séance pour vous donner un peu des indications. Donc, bienvenue tout d'abord donc, à cette quatrième séance donc, du séminaire « Comment mieux équiper la décision en santé au travail ?». Donc, je rappelle, c'est un séminaire qui commence sa deuxième année universitaire, on va dire, parce qu'on a commencé en début d'année civile 2014. Donc, on a eu trois séances en février, avril, juin. Et donc, à partir d'octobre, on repart pour un nouveau cycle sur l'année universitaire. Donc, avec l'appui, cette fois, du CNRS et du DIMGEST, le DIMGEST donc de la région Île-de-France, donc sur les questions de en fait qui aide à différentes manifestations dans le domaine justement de la santé au travail, de la souffrance au travail. Et donc voilà, on est reparti pour un nouveau cycle de CRH. Donc j'ai l'impression, on voit que il y a quand même de plus en plus de personnes qui participent à ce séminaire. Je pense que c'est un séminaire qui commence à s'installer un petit peu dans le paysage des problématiques, à la fois des problématiques de risque professionnel, de santé au travail, mais aussi des problématiques de questionnements autour de l'expertise, qu'ils soient des questionnements d'acteurs conduits à produire de l'expertise ou impliqués dans des processus dans lesquels l'expertise a joué un rôle. Ou du point de vue des SHS, vous savez qu'un des objectifs de ce séminaire, c'est à la fois d'avoir des acteurs de terrain, institutionnels, organisations syndicales, différentes associations, etc., d'avoir des experts, mais aussi des chercheurs en sciences humaines et sociales sur ces questions, et donc à chaque séance, justement, d'avoir des regards croisés sur ces différentes questions. Alors, on avait une première séance introductive, on avait une deuxième séance sur les valeurs limites d'exposition professionnelle comme outil de gouvernement justement des expositions professionnelles aux produits toxiques. Et puis on avait une autre séance en juin 2014, donc sur la question de ces recherches qui cherchent à quantifier le nombre de cancers attribuables au travail ou attribuables à différents facteurs. Et donc, on avait eu un certain nombre de débats autour de cette question. Aujourd'hui, la question qui nous rassemble, c'est comment est-ce qu'on passe du signalement de pathologie dans une entreprise à la mise en place justement d'actions de prévention. C'est-à-dire comment est-ce que déjà on est alerté par l'existence de maladies, par l'agrégation, l'accumulation de différents cas de pathologies dans une entreprise. Comment est-ce qu'on construit cette alerte, avec quels acteurs, comment est-ce qu'elle se stabilise progressivement, et puis quels sont les rôles respectifs, à la fois des organisations syndicales, des salariés qui se mobilisent, et des différents acteurs plutôt issus de la sphère scientifique, de la toxicologie, de l'épidémiologie, qui vont chercher justement à objectiver cet agrégat spatio-temporel, ces clusters de cas pour les confirmer qu'il y a effectivement plus de cas dans cette entreprise que dans la population générale, etc. Donc avec tous les conflits, toutes les difficultés qui peuvent avoir lieu dans ces confrontations qui peuvent se faire jour justement entre différents types de données. Alors, ce matin, on va avoir deux interventions. Donc, toujours l'idée de ce séminaire, c'est vraiment d'avoir du temps à la fois pour présenter, pour échanger. Donc, on va avoir première intervention sur le médecin du travail, donc Gérard Barra, Christian Micot, le président de l'Association des malades de la chimie, Jean-Luc Cagnot, qui est le secrétaire du CHSCT, et Francis, dont je n'ai pas le nom. Cotier, qui est UDH hier. Ah oui, j'étais secrétaire. D'accord. Donc voilà. Donc on va avoir une première intervention où ces quatre personnes donc, vont nous présenter un petit peu le, comment est-ce qu'on est passé justement des premières alertes à la confirmation un peu de ce problème à Adisseo, donc lié à l'utilisation d'un produit chimique particulier, le chloracétate C5, et l'apparition de cancer du rein. Et puis, en deuxième moitié de matinée, donc on aura Yoriko Iwatsubo et Hélène Imbernon, donc qui devraient arriver, qui vient d'arriver, bonjour, qui présenteront justement l'enquête qui a été effectuée à l'INVS, comment est-ce qu'elle a été mise en œuvre. Il reste quelques places, je pense, disséminées dans la salle, qui présenteront justement l'enquête de l'INVS qui avait pour but justement ce travail de confirmation de cet agrégat. Et puis donc on aura deux interventions dans l'après-midi, donc la première donc Dany Thébaumoni, directeur de recherche donc à l'INSERM, honoraire à l'INSERM, qui posera la question justement du rôle de l'expertise vis-à-vis des cancers professionnels. Et on aura l'intervention de Marcel Calvez, donc professeur de sociologie, qui de façon plus générale nous présentera justement les interrogations de sociologie, de sciences sociales sur cette question de la validation des clusters profanes en santé environnementale. Donc on sortira un petit peu de la sphère de la santé au travail pour élargir justement à la santé environnementale. Donc voilà le programme de la journée, et je laisse tout de suite la parole donc à nos premiers intervenants.